C'est un parfum de crèche. C'est un parfum de crèche en ce matin d'automne, ces fragrances un peu fraîches que des pluies aiguillonnent. De paisibles vallons semblent là s'assoupir, confiant à Apollon d'estivaux souvenirs. L'herbe sous la rosée frémit en sanglotant, puis se fige apaisée l'espace d'un instant. L'île paraît sortir d'ablution matinale, et peut alors s'offrir au soleil en fanal. La mer, dans son manteau de brumes opalines, qui sait, pourra tantôt flamboyer cristalline. Ô soirée de septembre! Ô soirée de septembre, ne vous enfuyez pas. À l'heure où la lune embrassera le ciel, je viendrai vous rejoindre. Je voudrais juste dire au silence combien sa modestie l'honore. Il se peut cependant que le lent bégaiement du ressac lui tienne déjà compagnie. Lors, j'irai caresser de mon âme étonnée le sommeil parfumé d'une plage discrète. Je sais que les rochers, comme fauves couchés, veilleront attentifs au repos de la nuit. Ce sublime équilibre laissera au matin, dans sa noble langueur, le soin de déposer longtemps et sans compter ses perles de rosée. Ô soirée de septembre, pourquoi vous chagriner qu'à cette heure l'été vous ait là délaissé? Assis sur le muret. Assis sur le muret dont je voyais, je crois, l'empreinte sur le sable ou l'ombre projetée par une lune muette. Assis sur le muret, j'ai regardé là-bas ce doigt de roche et d'herbe pointé loin du rivage pour mieux calmer la mer. Assis sur le muret, j'ai voulu me convaincre que le soleil en fuite ne puisse raviver son coucher incendiaire. Assis sur le muret, j'ai compté tout au large sur le trait d'horizon de bien discrets nuages en longue caravane. Assis sur le muret, j'ai supplié la nuit de venir me bercer. Elle était tiède et douce, mais passa son chemin. Assis sur le muret, j'ai espéré enfin que minuit me salue et que j'oublie alors cette journée funeste. C'est un soir désœuvré. C'est un soir désœuvré, presque muet et grisâtre. Il s'habille de nuit dans le ciel effacé. Hébété, je contemple ce grand disque d'eau noire. Mille pointes de pluie m'y soupirent une fugue. L'île est en noir et blanc. Ses mâchoires de pierre paraissent s'abreuver au dernier flux du jour. Lors les brumes s'invitent, s'y lèvent les angoisses. Le vent depuis longtemps est parti jouer ailleurs. Pourtant je n'ai pas froid quand j'écris sur le sable ma confidence ultime que des vagues liront, porteront je l'espère ma mystique missive aux âmes éplorées de ne pouvoir me dire. Une haleine d'automne. Un soleil tamisé juste pour le décor. Une haleine d'automne tout au bout de son souffle. Un sous-bois qui s'ennuie et puis qui champignonne pour mieux brosser les pompes du général hiver. Un ciel tout en désordre qui ne sait même plus ranger ses cumulus occupés à pisser. La brise fait ses muscles, se voit déjà tempête, voyant tourbillonner des feuilles sans défense. L'océan se chahute pour aussi jouer les durs, vomissant sur la plage des algues déjà mortes. D'ailleurs, les jours pressés ne s'y sont pas trompés, et courtant leur visite, ils croient snober la nuit. Avec toi, je m'y glisse. Quand claquent les ajoncs, le soleil au zénith, tu te loves fleurie, est-ce pour me séduire? Agitant tes dentelles, tu danses devant moi, malicieuse et enjouée. Est-ce pour m'entraîner? Enivrée de parfums, tu te couvres de voiles que je crois cousus d'or. Est-ce pour m'honorer? Je guette ton clin d'œil au-delà du mystère. Tu n'es que sortilège. Est-ce pour m'envoûter? La nuit frappe déjà, avec toi je m'y glisse. Qu'il est bon dans tes bras de s'endormir ainsi. Ô Groix, ma confidente. Ce sera le norrois. Les teintes d'acajou s'esquisseront au soir, parant tel un bijou les liantes en ostensoir. Le discret friselis d'une mer nonchalante fera de l'ondin lit aux soies d'or ondulantes. Quand la nuit constellée déploiera ses atours, que la lune esselée entamera son tour, ce sera le norrois qui portera le glas d'une âme sans effroi regagnant l'au-delà. Locmaria. Par-delà la fenêtre. Par-delà la fenêtre, juste le ciel bougon, horizon de chagrin qu'essuie des vitres sales. L'océan qui s'ennuie se mouche sur le sable, le village est transi sous ses vieux draps d'ardoise. Il adresse à l'hiver son haleine boisée, s'il est saoulé devant, il ne titube pas. Ses maisons grises boudent, leurs yeux de bois fermés, les implorant sans doute, la rue du port sanglote. C'est un jour qui somnole, le matin et le soir, fuyants et ombrageux se prennent par la main, déambulent distraits vers les atours funèbres d'une trop longue nuit. Seront-ils là demain? Il a neigé tantôt. Il a neigé tantôt sur tes pâles paupières, un très joli manteau pour tes fines bruyères, un voile de mariée sur tes landes offertes au maître couturier en livrée presque verte. Te voilà sous le charme d'un jabot de dentelle, des mille et une larmes d'un amant irréel. Ce n'est que l'océan qui te fait noble cour, et son flux fainéant qui te compte l'amour. Leur Groix ferme les yeux. Quand la plage impavide laisse glisser sa robe, dévoilant doucement des espaces interdits, que la houle un peu folle efface des esquisses, autant d'œuvres éphémères sous la toile du ciel, que le vent indécis par moments se fait brosse d'une écume volage tournoyant en silence, leur Groix ferme les yeux sur de rares étreintes. Mais vous, entendrez-vous le doux chant des sirènes? Juste entre ciel et mer. Ébaudi et curieux, je regarde passer d'envoûtants voyageurs. Juste entre ciel et mer, le temps qu'ils se pomponnent, se promènent inertes, ombrant la plage nue. Poursuivent leur périple vers des terres plus vastes, les devinent là-bas, qui semblent onduler aux confins des coureaux. Se sont-ils aperçus qu'un tout autre cortège s'est déjà mis en train sur cette ligne étrange où la mer et le ciel attirés se rejoignent? C'est un souffle sévère qui chassera la brise, agitera sans doute les discrètes dentelles des vagues accourues. Quel deuil les réunit pour qu'ils soient aussi sombres, même si se taisent là les pleureuses en chemin. Déjà le vent me porte le triste soliloque d'une cloche chagrine. Ô la belle marine! Sous l'asile douillet de vieux chênes noueux, des pierres s'ennuyaient sur un chemin boueux. De sa cloche bien sage, envoûtant l'horizon, le clocher du village rassembla ses maisons. Le bois semblait tout proche, des oiseaux me le dirent, dansant telle simple croche au souffle d'un zéphyr. Voilé par la futaie, saisi d'un tendre émoi, même la mer chantait et se jouait de moi. Le phare, un peu rougeau, curieux, passa la tête en clown un peu bargeau, venu me faire fête. L'or je vis s'avancer de grands pins maritimes, leurs longs troncs enlacés dans une étreinte ultime. Ô la belle marine que ce matin m'offrit, vêtue de brumes fines, le ciel bleu s'en est pris. La tempête. Il s'est calmé le vent, un peu moins en colère. Oui, mais il rôde encore, je l'entends là râler. Et brusquement il gueule, crachant sans retenue son haleine salée sur mes persiennes bleues. Puis c'est presque silence, juste un ronronnement, celui de mon vieux chat fasciné par ma plume, celle qui farandole sur la feuille jaunie d'un malingre cahier que l'on dit d'écolier. C'est bien une accalmie, mais cette nuit, c'est sûr, dans l'humide noirceur, les pins devront veiller. Leurs ramures trempées les rend raides et pâteaux. Le vertige les guette pour les jeter au sol. Taiseuse est la maison qui décompte la nuit à la note vibrante de l'horloge de bois. Comme elle est apaisante, bien que ne disant rien, sur son front balafré courent deux bœufs de cuivre. Un jour, ils m'ont conté les nuits blanches et cruelles d'une guerre infernale qui vit s'enfuir les hommes. Est-ce là de frayeur que le fin balancier, hésitant et tremblant brusquement, s'était tu? Il attendit 2 ans dans la pièce éclatée, qu'enfin la paix s'invite pour à nouveau danser. Mais voilà revenue la tempête rageuse, plus agressive encore, molestant la campagne. Irascible et vengeur, pourquoi ainsi le vent s'est tout à coup fâché? Je ne lui ai rien fait. Une aurore annoncée. Et je verrai éclore sur le sombre satin 1001 boutons d'or bien avant le matin. Sur la robe océane, la muette floraison scintillera diaphane jusqu'au trait d'horizon. Seule une molle brise portée par le suroît, telle caresse exquise offrira son émoi. Doux zéphyr des malines qui viendra la bercer des vagues en capeline par le sable effacé. L'or dans ce long murmure, l'île pourra hisser la voile sans amure d'une aurore annoncée.